Un mal. Chapitre 19. Un soir, elle trouva les portes closes. Ce fut un grand saisissement. Elle fit plusieurs fois le tour de la ferme, cherchant une issue. Rien. La cour avait deux portes charretières. Celle qui donnait sur le verger s'ouvrait en deux parties. Les vantaux du haut pouvaient n'être pas fermés au verrou. Elle prit une gaule et l'appuya. La porte ne céda pas. À petite poussée continue de l'épaule, elle tâcha ensuite d'ébranler les haies lourds. Alors, elle eut l'idée de passer par-dessus le mur. Mais les échelles avaient été rentrées, et tout à coup, se voyant perdue, elle s'abattit sur le sol, avec un désespoir sombre. Peut-être savait-on ses sorties. Un de ses frères avait pu lui jouer ce tour de fermer les portes avant qu'elle fût revenue. Tout le monde l'accablerait le lendemain matin, quand elle serait aperçue se coulant dans la maison. Et elle entendait la voix sévère de Hulotte tomber de haut sur elle, comme un maillet. Que pourrait-elle répondre? Un bruit sourd, continu, lui arrivait à travers l'épaisseur des murs. C'était le mâchonnement des vaches broyant leur herbe. Cette placidité lui fit envie. Elle aurait voulu être comme elle, couchée dans la litière des étables. Les bêtes, ça ne pense pas. Brusquement, une toux qui partait de la chambre du fermier la fit se dresser en sursaut. S'il les pieds, elle se rejeta dans l'ombre. Une main toucha la sienne. Cachapré était debout devant elle. « Viens, » dit-il. Une large joie éclatait sur sa face. Elle fit de la tête un signe négatif, et tout en disant non, elle se laissait entraîner. Il avait passé son bras autour de sa taille et la soulevait à demi. Ils traversèrent le verger. Il l'emportait comme un trésor, comme une proie. Une torpeur l'avait prise, elle se laissait entraîner. Ils s'enfoncèrent dans le bois. Là, elle se débattit. « Lâche-moi !» Comme il retirait son bras, elle se jeta à terre, avec une explosion de larmes. Elle frappait le sol à coups de tête, se lamentant. « Je suis perdue. Qui me rendra l'honneur ?» Lui haussait les épaules, peu sensible à ses délicatesses. Les mains dans ses poches, il se dandinait sur les jarrets, cherchant une bonne parole. À la fin, il se pencha. « Est-ce que je ne suis pas là, après tout ?» Elle eut un fier dédain. « Toi ?» Et son regard l'embrassa des pieds à la tête. Il reprit avec un peu de colère. « Oui, moi, je vous dis pas un autre !» Elle éclata. C'était lui la faute qu'une pareille honte lui arriva. À présent, elle était moins que rien. Elle était obligée de passer la nuit dans le bois. Les garces au moins ont leur lit. Et amenée par le mot à d'autres idées, elle lui reprocha de l'avoir traitée comme toutes les filles auxquelles il était habitué. Il avait eu des fréquentations déshonnêtes, ça se voyait bien, sans ça, il l'aurait respectée. Il répondit une parole courte, terrible. « T'avais qu'à pas te laisser faire !» Cette férocité froide l'abattit. Il l'insultait à présent. Plus tard, il la frapperait sans doute. Il eut un gros ennui et s'assit auprès d'elle. « Voyons, Germaine, tu diras à papa. » Elle l'interrompit net. « On se verra plus, c'est fini. »« Hein? Qu'est-ce qu'elle disait ?» Il demeura un instant immobile. Cette parole résolue l'avait étourdi comme une tapée de crosse. Enfin, il se levait, se plantait devant elle. « Que je te vois plus, Germaine ?» Il tendait le cou. Les yeux mauvais, comprimant sa poitrine de ses deux mains crispées, il continua. « Que je te vois plus ? Et c'est toi, Germaine, qui a dit ça? Tiens, si c'était vrai, ben là, je te prendrais par le cou, comme ça, et je te... » Il n'acheva pas, elle avait poussé un cri. Alors il ouvrit les bras, hoquetant, secoué d'une énorme défaillance. « Pour sûr, j'ai mal compris. Tiens, Germaine, faudrait pas me dire des choses que je pourrais pas comprendre. J'ai pas fait mes écoles, moi. Les gens des bois, c'est comme les bêtes qui sont dedans. Dis, Germaine, est-ce pas que tu n'as pas dit ce que t'as dit ?» Il s'embrouillait dans son émotion, ne trouvait plus les mots. Sa voix s'étouffa dans une fureur de baiser. Et Germaine, à le voir dompté à ses pieds, orgueilleusement se sentit la plus forte. Elle se laissa attirer par ses mains tremblantes. Souriant, la face noyée dans une mollesse, il lui dit « Tu peux me battre maintenant. Je me revengerai pas. J'ai plus de force. Je suis comme le petit qui vient de venir à Smer. » Elle le scrutait, curieuse et ravie. « Tu dis ça pour me faire accroire. » « Ben non, vrai. Je suis pas un artiste, moi. Je joue pas la comédie. » C'est égal. Elle lui gardait rancune pour son mot de tout à l'heure. Et comme il feignait de ne pas s'en souvenir, elle le lui répéta. Mais il l'enroula dans ses bras et l'embrassa follement, tournant la chose en plaisanterie. Elle sentit son dépit s'en aller à travers l'étourdissement des baisers. Le silence l'impressionnant, un peu de frayeur se mêlait à la douceur de ses pensées. Jamais elle ne s'était trouvée dans l'horreur adorable des minuits. Tout un coin de son être s'éveillait à des sensations nouvelles. Le frisson qui remuait les taillis venait mourir sur sa peau, comme la laine d'une bouche froide. Elle écoutait traîner dans l'air le bruissement profond des bois, et petit à petit, un assoupissement la raidissait. Elle s'était blottie dans ses épaules, sous l'enveloppement chaud de ses bras noués autour de sa taille, et ils demeurèrent ainsi, longtemps, confondus dans une joie muette de s'appartenir. À la fin, ses yeux se fermèrent, tournés vers ce visage brun d'homme mêlé au bleuissement de la nuit. Elle dormit. Les bras de son amant lui servirent de lit jusqu'à l'aube. Ils étaient élastiques et chauds, mieux que la laine et la plume, et il veillait sur elle, évitant de faire un mouvement. La forme de ce corps imprimé dans sa chair était une volupté continue dont il ne voulait rien perdre, et il regardait onduler les pâleurs de sa gorge, sans penser, pris aux entrailles par quelque chose de doux et de puissant qu'il n'avait jamais connu. Un peu avant le jour, elle s'étira, et lentement ses yeux s'ouvrirent. Elle le vit comme à travers un songe, immobile, ses larges dents claires étalées dans un sourire. Elle fut un instant à se rappeler. L'aspect des feuillages encore demi-couverts de nuit laissait flotter une stupeur dans ses prunelles. Elle ne savait pas bien pourquoi elle s'éveillait sur les genoux d'un homme dans un pareil lieu. Puis la mémoire lui revenant, elle cacha sa tête dans ses mains, reprise par la honte. Et lentement, le matin se leva, faisant chanter les oiseaux. Ils se rapprochèrent de la ferme. Germaine entendit grincer les gonds des portes. Dans le verdissement du petit jour, une silhouette humaine s'agitait du côté de l'étable. Elle reconnut la vachère. Alors, ce furent des adieux pleins de caresses. Tandis qu'elle se glissait à travers le verger, s'effaçant derrière les arbres, il la suivait des yeux, lui envoyant des baisers d'un claquement de la bouche. Elle entra dans la maison. La chambre de Germaine étant distante des autres, elle put l'atteindre sans être entendue. Elle se déshabilla, s'étendit dans la tiédeur des draps. Un étonnement lui restait de cette nuit passée dehors, et aussi une impression vague d'écœurement. Se découcher la diminuait à ses propres yeux, comme une déshonnêteté plus grande, et cette disposition d'esprit s'aggravait d'une inquiétude terrible, à savoir l'attitude que le fermier et ses frères allaient prendre devant elle. Elle les entendit se lever l'un après l'autre. Il fallut bien aller les rejoindre dans la cuisine et leur préparer le café du matin. C'était elle que ce soin regardait. Elle arriva, mal assurée, tremblante, osant à peine lever les yeux. Et tout à coup, ses craintes se changèrent en joie. Il ne se doutait de rien. On l'avait cru couché et l'on avait fermé les portes.